Bonjour à tous et à toutes. Je crains d'être moins lyrique que Thierry. Et je ne pense pas que mon accent arrive à sauver le reste. Bon. Donc, avec Catherine Jungus, qui est directrice adjointe aux archives départementales des Yvelines, nous allons vous présenter les choix que nous avons proposés, qui ont été acceptés par notre collectivité, car c'est bien la collectivité que nous représentons et c'est bien la collectivité qui prend la décision d'appliquer ou pas tel ou tel dispositif. J'ai tenu aussi à venir avec Catherine, donc on est venu en force, parce que cette réflexion, elle a été portée par nous deux à la fois, hein, et que je ne me voyais pas présenter le système sans qu'elle soit à mes côtés pour le faire aussi. Alors, le 14 février dernier, donc 2014, c'est tout récent, le Conseil général des Yvelines a adopté une délibération autorisant la réutilisation des informations publiques contenues dans les documents conservés par les archives départementales, par tout un chacun et pour tout type d'informations. Pour tout type de réutilisation, qu'il s'agisse de réutilisation pédagogique, de loisirs, commercial, etc. Donc, la collectivité a choisi, d'une part, la gratuité, d'autre part, la facilité de réutilisation, en plaçant les données concernées sous licence Etalab. On va y revenir. Donc, pas de formalité, pas de signature, pas de papier et un allègement certain des procédures. Et troisièmement, la collectivité a également choisi d'un encadrement strict de la réutilisation des données publiques à caractère personnel, pour lesquelles le régime général que nous avons adopté était plus contraignant, avec une formalisation de l'accord de réutilisation via la signature d'une licence. Alors, je vais vous exposer dans un premier temps les objectifs qui nous ont conduits à élaborer ce dispositif, et Catherine vous présentera le dispositif lui-même. Alors, l'originalité du choix qui a été opéré par la collectivité, je parle d'originalité puisque visiblement nous sommes le seul département à avoir adopté la licence Etalab. L'originalité de ce choix découle d'une étroite coopération dans la réflexion avec la direction des affaires juridiques du département et puis également quelques entretiens, quelques consultations avec les élus. La réflexion intègre également le dernier état de la législation. Donc, je ne reviens pas dessus puisqu'il a été exposé largement ce matin et très clairement par Bruno Ricard, hein, et notamment, bien entendu, la directive européenne de 2013 et la jurisprudence quant à notre famille.com en particulier, mais également les rapports qui ont été cités, notamment le rapport Trojette. Alors, cette réflexion s'appuie bien entendu sur la législation, mais dès le départ, nous nous étions fixés un certain nombre d'objectifs assez clairs. Et également, nous étions guidés par un certain pragmatisme dans notre réflexion. Alors, les objectifs, il y en a quatre. Le premier, c'était constituer un outil au service des politiques publiques du département. Comme l'a très bien dit Thierry, nous avons une mission publique et nous exerçons nos activités au service de politiques publiques. En l'occurrence, il s'agissait de politiques publiques du département concernant un plus large accès à la culture, donc une démocratisation de la culture, et pour les archives plus particulièrement, donc d'avoir une politique plus large vers nos publics. Donc, forcément, cela revenait à favoriser une réutilisation très large à des fins non commerciales de nos données, hein, donc exposition et publication d'associations, l'exploitation pédagogique, le partage sur les réseaux sociaux, les publications sur des blogs, par exemple. J'en passe. Voilà. Il s'agissait donc de répondre à un besoin de plus en plus puissamment exprimé par nos usagers, tout en cherchant à développer la diffusion de ces données, notamment sur Internet, pour que les internautes fréquentent de plus en plus nos sites. Là, je suis pas très pessimiste par rapport à la fréquentation de nos sites, euh, et, et à la, je dirais, aux produits que peuvent proposer des réutilisateurs, et, mais surtout aussi par une appropriation par les internautes de ces données, et donc de la culture. Alors finalement, on en est arrivé très vite à mettre les internautes au centre de la réflexion. Alors pour vous donner quelques chiffres, dans le département des Yvelines, alors que comme partout ailleurs, je pense, la fréquentation en salle diminue, nous avons environ 1 000 000 de lecteurs par an. En revanche, les visites uniques sur le site ont explosé. Nous en sommes à pratiquement entre 350 000 et 400 000 visites uniques par an. Et ça continue à augmenter. Donc l'idée, c'était aussi de ne pas reproduire les schémas, les pratiques que nous appliquons en salle de lecture pour les documents papier, mais plutôt d'avoir une opportunité de réfléchir, de repenser plutôt la relation à l'usager et de replacer les usagers et les internautes et leurs besoins au centre de la réflexion. Parce que c'est un public, je pense, qui, à travers les réseaux sociaux de tout poil ou les opportunités sur Internet, est habitué maintenant à commenter, à contribuer, à partager, bref, à réutiliser de toutes les façons l'information qu'il trouve. Donc, lui faciliter cette réutilisation, c'est d'une certaine manière l'encourager à véritablement s'approprier la culture, hein, mais également à passer d'un rôle de moins en moins passif à un rôle de plus en plus actif. Donc ça, c'était notre premier objectif. Deuxième objectif, c'était d'envisager la réutilisation commerciale des données de manière sereine. Alors, à mon arrivée, j'ai pris mes fonctions en février 2013, j'ai trouvé comme l'ensemble de mes confrères et consoeurs directeurs d'archives départementales ou, je pense, d'archives communales, une lettre circulaire de notrefamille.com hein, qui demandait la réutilisation des données publiques des Yvelines. Alors, dans les Yvelines, il y avait une première demande en 2009 à laquelle on avait opposé un refus de fait, mais qui avait obtenu un avis favorable de la CADA en 2010. Alors, cette demande, pour nous, était... Alors, j'ai fait une réponse d'attente, parce que quand je suis arrivée, je n'avais effectivement pas les éléments pour faire une réponse, je dirais, claire, justifiée et juridiquement étayée. Donc, si cette demande était l'occasion pour nous de penser, de fonder notre réflexion, hein, d'engager une vraie réflexion sur la réutilisation commerciale. En revanche, je crois que ce qu'on s'est dit, c'est que c'était pas l'objectif n'était pas de créer un dispositif qui serait un dispositif ad hoc, hein, fait pour répondre à notrefamille.com, et surtout une arme contre notrefamille.com. Parce que bon, il se trouve que c'est notrefamille.com, il peut y avoir d'autres types de demandes de ce genre. En effet, la réutilisation à des fins commerciales nous a paru, alors quand je dis nous, c'est nous, mais c'est aussi le Conseil général, hein, nous a paru d'autant moins condamnable par nature que c'est une notion qui finalement est au centre de la directive européenne. Ça, c'était le deuxième objectif. Troisième objectif, alors je reviens là-dessus sur les deux objectifs précédents. Donc, l'idée, à partir de ces deux objectifs, l'idée de la gratuité s'est imposée assez rapidement. Bon, pour la réutilisation non commerciale, c'était assez évident, mais il a été un peu plus difficile d'élaborer une doctrine en matière de réutilisation à des fins commerciales. Nous sommes partis des recommandations tarifaires qui étaient faites par le CIAF en 2010, mais qui, après 3 ans, paraissaient plutôt complexes et difficiles à défendre, et notamment parce que ça aboutissait à mettre en place des tarifs qui, vraisemblablement, excédaient dans la plupart des cas le consentement à payer des réutilisateurs. Donc, on a regardé un peu les autres dispositifs, celui mis en place par le Rhône et par la Vendée, qui ont attiré notre attention. Mais notre réflexion s'est principalement appuyée, d'une part, sur la position de l'État, hein, pour lequel, quand il s'agit de la réutilisation de ses propres données, la gratuité, le principe, la redevance et l'exception. Par ailleurs, sur le rapport Trojette, hein, qui a déjà été cité, donc de novembre de 2013, qui interroge la légitimité des exceptions à ce principe. Et troisièmement, par le mouvement Open Data, hein, et son développement, qui fait finalement de la gratuité notre horizon de référence. Donc au final, en estimant que les pratiques, que les données culturelles n'avaient pas engendré de recettes supplémentaires et significatives, hein, et n'ayant pas peur que la perte de quelques centaines d'euros que représentent bon an mal an les recettes que nous pouvons percevoir en vertu de systèmes de tarification antérieurs, nous avons opté pour la gratuité. Troisièmement, l'idée était de sécuriser les données personnelles. Alors, la sécurisation, elle n'est possible que dans le strict respect de la loi du 6 janvier 78 relative à l'informatique, fichiers et liberté. Et même si il est évident que le respect de ces dispositions incombe aux réutilisateurs, il y a quand même un partage de responsabilité, hein, avec le détenteur des données, hein, partage de responsabilité que nous avons retrouvé dans la disposition, dans la jurisprudence du Cantal notrefamille.com, hein, hein, qui est fondée à, donc le Conseil général du Cantal était fondé en vertu de cette jurisprudence, a refusé la réutilisation des données personnelles par la société notrefamille.com pour la raison que cette dernière n'avait pas encore obtenu l'autorisation de la CNIL pour ce faire. Voilà. Dernier objectif, c'était de tenir compte de la capacité à faire de nos services. Bon, mais ça, je ne vais pas vous faire un développement là-dessus. Vous connaissez tous les moyens dont nous disposons pour ce faire. Voilà. Donc, comme il nous reste 5 minutes, je passe la parole. Oui, bonjour tout d'abord. La feuille de route, vous l'avez compris, était claire. Quelques mots simplement sur les modalités précises que nous avons mises en place. Alors tout d'abord, Christine Martinez vous a parlé de la gratuité. Il est vrai que la gratuité de la réutilisation a été rapidement posée, donc pas de redevance. En revanche, on s'est vite mis d'accord pour proposer à la collectivité de faire payer des frais de mise à disposition, dont le terme savant c'est coût marginal. Voilà. Donc nous on dit frais de mise à disposition. Et c'est vrai que là on s'est beaucoup beaucoup creusé la tête pour trouver un principe de tarification qu'on voulait au départ basé sur du temps de travail ou du temps machine pour refléter ce que ça coûtait en fait au service que de mettre en place des opérations qui n'étaient que pour l'usager en fait, hein, voilà. Alors que les fichiers nous les avions pour nous les avions déjà fait numériser pour nous, etc. Finalement, au long d'un très très raisonnement dont j'ai oublié toutes les étapes, on s'est mis d'accord pour mettre sur pied d'abord un forfait de 2 euros qui vaut pour la recherche finalement de l'information du fichier sur les serveurs, qui est payé par tous les réutilisateurs, et ensuite une tarification valable simplement au-delà de 10 fichiers à l'unité, au fichier, parce que c'était ce qui nous était le plus pratique à faire, pour faire des devis notamment en salle, et puis pour calculer. Donc on a 0,01 euros par fichier au-delà de 10 fichiers. Donc un utilisateur paye obligatoirement 2 euros pour se voir mettre à disposition au moins 1 à 10 fichiers numériques. Donc ça c'était la première chose, le paiement des frais de mise à disposition. Ensuite, dans le souci, vous le comprenez, d'épargner les capacités à faire du service, hein, on s'est dit dans la logique que nous décrivait ce matin monsieur le président de la CADA, qu'il fallait faciliter et encourager l'accès direct des usagers aux images. Dans la plupart du temps, les images qui sont sur internet leur suffisent, ce sont ces images là qu'ils peuvent réutiliser sur leur site, sur leur blog. Je ne vous parle pas du réutilisateur commercial, puisque vous avez bien compris que ce n'était pas notre principale cible finalement, mais nos usagers lambda, je dirais, les associatifs, les enseignants. Donc on a rendu quasiment toutes nos images directement téléchargeables sur le site internet. On a fait sauter les filigranes, alors ça je crois qu'on les avait déjà fait sauter un petit peu avant, qu'il y a eu pendant un temps sur le site internet, et elles sont également imprimables. Donc là vous voyez qu'on est plus dans le dispositif de réutilisation lui-même, mais c'est un complément, c'est un ensemble de mesures en fait, qui se répondent l'une l'autre entre le règlement de réutilisation, le règlement de la salle de lecture qu'on a fait aussi évoluer, je vais vous en parler, et les tarifs de prestation. Alors concernant la salle de lecture, eh bien oui, on a libéralisé la prise de vue en salle de lecture, puisque les images sur lesquelles que les lecteurs vont prendre, la plupart d'entre elles vont être réutilisables au même titre que les images que nous avons nous-mêmes réalisées. Enfin, en ce qui concerne cette réutilisation, pour la rendre la plus facile possible, nous avons voulu, en effet, comme le disait tout à l'heure Christine, faciliter le travail à l'utilisateur. Et il ne nous semblait pas très, dans cette optique-là, faire signer un papier ne nous semblait pas très facile, ni pour l'utilisateur, ni même pour nous derrière, en back-office, vérifier, faire une autorisation qui était par nature acquise, ne nous semblait pas très... Donc on a cherché une licence, et la licence étalable s'est imposée assez naturellement, puisqu'elle permettait cette souplesse dans l'emploi, et puis elle permettait aussi aux réutilisateurs un certain nombre de... Une réutilisation très étendue, finalement, puisqu'il peut réutiliser, mais il peut aussi, s'en emparer, s'approprier l'information, la transformer et l'incorporer à d'autres informations, etc. Toutes choses qui nous semblaient assez naturelles, finalement, de laisser faire à nos réutilisateurs, puisque c'est déjà ce qu'ils font à partir des notes, par exemple, qu'ils peuvent prendre en salle de lecture. Ils réutilisent ainsi, de cette manière, les informations. Par contre, pour la sécurisation des données personnelles et pour conclure sur la dernière disposition que nous avons mise en œuvre, nous avons tenu à maintenir une licence avec un contrat de licence en bonne et due forme avec signature des deux partenaires, ce qui nous permet en amont de faire une véritable instruction finalement de la demande et de vérifier des points clés pour nous assurer qu'on est bien dans les clous de la loi et tout particulièrement des dispositions CNIL. Voilà. Je passe tout de suite la parole à François Bourde qui va nous parler du share-alike.